طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc la dernière fois, on avait pris deux hadiths, le 31e qui était d'accélérer avec les janazas et le 32e qui était relatif aux règles de la zakat. Non, mais comme j'avais dit, ça, je conçois que cela peut être un peu difficile à assimiler pour beaucoup, ces règles de la zakat, en ce qui concerne le bétail et l'agriculture, car très peu sont concernés par cela. Mais voilà, c'est des règles du dîn qui sont citées dans les hadiths. Et la Allah an yaftah ala ahadikum ba'da dhalika liyakuna min ahli dhal li ahli. Et il n'est pas impossible que par la suite qu'Allah fasse que certains d'entre vous soient concernés par ces juments-là et qu'ils seront contents de revenir vers ce genre de durus qui pourront les éclairer à ce moment-là. Non. طيب الآن سنواصل في الحديث الثالث وثلاثين 33e حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستعفف يغفيه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Abu Sa'id que celui qui fait preuve de retenue, Allah l'aidera à se contenir. Et celui qui s'efforce, ou plutôt qui se passe des gens, Allah l'enrichira. Fera en sorte qu'il se passe des gens. Et celui qui s'efforce à patienter, Allah lui donnera la patience. Et que personne n'a reçu de meilleur don que celui, meilleur don est plus large que celui de la patience. الصبر التحمل d'accord. طيب donc il dit l'auteur هذا الحديث يشتمل على أربع جمل جامعة نافعة, que ce hadith se compose de quatre phrases générales et bénéfiques principales, quatre principales phrases. أحدها قوله ومن يستخفف يعفيه الله, que celui qui se retient, Allah lui accordera la retenue. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ, et que celui qui se passe d'autrui, que Allah l'enrichira. De sorte qu'il fera en sorte de se passer des gens, lui donnera la force et lui donnera ce qu'il lui faut. Donc ces deux phrases, l'une, l'une va avec l'autre, l'une implique l'autre. فإن كمال العبد في إخلاصه لله رهبة ورهبة تعلقا به دون المخلوقين فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال. Donc ces deux phrases sont liées l'une à l'autre, car il fait partie de la perfection de la sincérité du serviteur dans sa convoitise et dans sa peur qui s'accroche à son Seigneur en dehors des créatures. Et ce hadith amène à comprendre que celui qui s'efforce à faire les premiers pas pour y parvenir, que Allah le fera parvenir à ce résultat. Donc Allah Azza wa Jal attend de nous, à travers ce hadith, nous enseigne qu'on fait les premiers pas et que le reste lui incombe. Comme dans le hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith Qursi, إذا تقرب إلي عبدي شبران تقربت إلي زراعة. Ainsi de suite, que si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Jusqu'à ce qu'il dise, et s'il vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en m'accourant. Donc, il nous incombe de faire les premiers pas et que Allah Azzawajal nous accordera la suite. يقول ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين. Donc la personne doit agir de la sorte afin que Allah le permette d'atteindre justement ce niveau-là, afin qu'il soit un serviteur d'Allah concrètement libre du joug des créatures. Ça veut dire qu'il n'attend que d'Allah et ne recherche que d'Allah, ne demande que Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك أن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، ولا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. C'est-à-dire qu'il doit combattre son âme sur deux choses. La première, l'éloigner de l'accroche aux créatures. À cela par leur retenue. En ne convoitant pas ce qu'il y a dans la main des gens. Donc il n'attend pas des gens, il ne leur demande rien, ni directement, et ni via les faits. Quand tu as des gens, ils ne demandent pas directement par la langue, mais il faut comprendre de façon indirecte, d'accord ? Comme quoi, qu'ils veulent que tu leur donnes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. Il a dit quoi le Nabi صلى الله عليه وسلم à Omar? Il a dit ce qui te parvient comme argent, prends-le tant que tu n'as pas cherché à le convoiter ni à le demander. Si t'es venu comme cela, alors prends-le. Donc cela permet d'anoblir la personne qu'elle n'est pas à demander. Et cela l'élève, bien évidemment. Et évite que son cœur soit accroché aux créatures. قال وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على أمر الثاني وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته. Et la deuxième chose, c'est qu'il combat son nefs à ne chercher de richesse qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, qui se passe des gens. En lui faisant confiance et en sachant qu'Allah Azza wa Jalla lui donnera ce dont il a besoin. فَإِنَّمَا يَتَوَكَّلُ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ. Car celui qui s'en remet à Allah, qui place sa confiance en lui totalement, Allah lui suffira. وَهَذَا الْمَقْصُودُ. C'est ça qui est voulu par ce hadith. وَالْأَوَّلُ وَسِلَةٌ إِلَى هَذَا فَإِنْ مِنْ مَنْ اسْتَعْفَى عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَعَمَّا يَنَالُهُ مِنْهُ أوجب الله ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه. Et ce hadith l'amène à cela, car plus la personne fera en sorte de se passer des gens, il aura un besoin qui sera quand même présent. Et ce besoin, il le passera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est demandé. Plus il voudra se passer des gens, et plus il aura besoin d'Allah azza wa jal. Et fera confiance et placera son espoir en lui. وَيُصِنُّ ظَنَّهُ وَثِقَتَهُ بِرَبِّهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْ حُسْنَ ظَنَّ عَبْدِهِ بِهِ إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ غَيْرًا فَلَهُ. Et que le serviteur doit penser du bien de son Seigneur et lui faire confiance. Car en mesure de cette pensée qu'il envers son Seigneur, le résultat en sera en conséquence. S'il pense du bien, il enverra du bien. S'il pense du mal, il aura en fonction de sa pensée. Et ça, c'est une chose qu'on voit qui est très répandue, c'est que les gens, malgré par leur langue, ils te disent « Je fais confiance en Allah Azza wa Jal », tu vois que par leur fait, ce n'est pas le cas. Qui font des actes qui amènent à se dire, derrière des péchés par exemple, pour obtenir ce qu'ils veulent, ce qui amène à dire, si jamais tu désobéis pour avoir ce que tu veux, ça prouve que tu ne fais pas confiance en Allah Azza wa Jal, que tu te dis que si jamais tu obéis, tu n'auras pas ce que tu cherches. Donc, tu ne penses pas du bien dans Allah Azza wa Jal, lui te dire « Là, hacha ». Jamais, on dira, pas par ta langue, mais par tes faits, c'est ça que tu es en train de dire là. Tu vois, quand les gens, ils font du haram, impunément, et tu le dis, taqillah, tu n'as pas le droit de dire, mais je sais comment pour vivre. On dit donc, tu penses que pour vivre, il faut désobéir. Et je prends des cas où il n'y a pas de daroura. Il va te dire non. Il dit, par tes faits, c'est ça que tu es en train de faire. En train de te dire que si jamais je ne fais pas tel péché, je n'aurai pas de quoi vivre. Et donc, ça ramène à penser du mal dans l'aspect mental là, que tu le veuilles ou non. Donc, résultat, tu auras un résultat qui sera mauvais derrière. نعم. يقول ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Et parmi les invocations du Nabi صلى الله عليه وسلم qui disait oh Allah je te demande la guidée ainsi que la piété, la crainte on va dire, et la retenue et la richesse. Dans ce hadith il a réuni tout le bien à travers cette dua. Car la guidée c'est quoi? C'est la science utile. La crainte qui amène à faire des actes pieux. Et de délaisser justement les péchés. Complètement. Comme on vient de le dire à l'instant. Et c'est en cela que se trouve la réforme de la religion. عفواً. وتمام ذلك بصلاح القلب. Et cela sera parachevé par la réforme du cœur. Et cette taqwa sera parachevée par la réforme du cœur. والعفاف. Ça mène à quoi العفاف? Ajustement, la retenue. Et cette retenue, elle implique que si tu te retiens de demander aux créatures, il t'incombera de demander au créateur, car tu es dans le besoin. Les serviteurs, nous sommes pauvres. Nous n'avons rien, nous ne possédons rien de base. Nous sommes incapables de toute chose, si ce n'est pas Allah Azzawajal. Donc si tu ne demandes à personne parmi les créatures, avec ce besoin de demander, à qui tu vas demander? Allah Azzawajal, c'est ça qu'Allah Azzawajal veut de toi. Donc ce dua, il n'est plus tout cela à lui tout seul. La guider, ainsi que la crainte, ainsi que la retenue, ainsi que la richesse. وَيَقُولُ وَلَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْغَرَضِ وَإِنَّمَا الْغِنَى عَنِ الْغِنَى الْقَلْبِ والبالعفاف والغنى تتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوية والقناعة بما أتاه الله. Et c'est quoi la richesse qui est demandée là? Ce n'est pas la richesse matérielle, mais c'est la richesse du cœur. Et cela par la retenue. Et c'est ça qui accordera aux serviteurs une bonne vie en ce bas monde. Et les délices de ce bas monde, mine de rien. Et qui sera satisfait de ce que Allah lui donnera. Et Ibn Qayyim, il a une parole par rapport à cela, qu'on répète fréquemment, qu'il dit que l'argent, d'accord, tant qu'il est dans ta main et pas dans ton cœur, même si tu en as beaucoup, il ne te nuira en rien. Par contre, l'argent, s'il est dans ton cœur et pas dans ta main, même si tu en as peu, il va te nuire. C'est-à-dire que si jamais tu as l'amour de l'argent dans ton cœur, trop, alors, ou plutôt même un petit peu, d'accord, eh bien, il te nuira. L'argent est là pour être à notre service et ce n'est pas à notre d'être au service de l'argent. Car les gens, aujourd'hui, ils agissent comme si c'était l'argent qui les dominait. Alors qu'à la base, c'est un moyen, un outil pour te permettre d'arriver à un résultat en ce bas monde et dans l'au-delà. Et aujourd'hui, on dirait que le but, que le moyen est devenu l'objectif pour les gens, en fait. L'argent n'est pas un objectif, l'argent est un moyen. Vous comprenez? Et l'objectif, c'est quoi? C'est l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne fait pas devancer le moyen sur l'objectif, jamais, ce n'est pas du tout une chose réfléchie. Jamais. Donc troisième phrase, il dit « وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرَهُ اللَّهُ » et que celui qui s'efforce de patienter, que Allah lui accordera la patience. À Walen, il faut comprendre c'est quoi le sabr. Le sabr, « وَحَبْسْ النَّفْسْ عَنْ مَعْسِيَةِ اللَّهِ وَعَلَى تَعَةِ اللَّهِ وَعَلَى أَقْدَرِ اللَّهِ » C'est quoi justement ce sabr? C'est justement de contenir son âme, de tomber dans les désobéissances. De contenir son âme, de se maintenir sur l'obéissance à Allah Azzawajal. Et de maintenir son âme de toute révolte et de toute colère face à ce que Allah leur a décrété. C'est ça la patience. Endurer, supporter. C'est cela. Yaqul أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه وإعانة على الأمور. Et donc si Allah Azzawajal accorde justement ce sabr au serviteur, c'est la meilleure chose. Et là on parle de quelqu'un qui est musulman de base, qui a déjà l'islam et qui a le tawhid bien évidemment. Mais celui à qui Allah Azzawajal accorde ce sabr, c'est le meilleur don qu'il puisse recevoir pour pouvoir tout affronter. D'accord? Car sans le sabr, les gens n'arrivent à rien. Les koufars n'ont pas de sobre. Les gens faibles de foi n'ont pas de sobre. Donc ça les amène à tomber dans ce qui leur nuit. Dans ce qui leur porte préjudice. Alors que celui qui a du sobre, il fait face, il affronte. Et il finit par être délivré, soulagé par la suite. Soit par l'obtention de son attente en ce bas monde, ou soit même par la mort. Et ce sobre lui sera compté comme une récompense qui lui permettra d'être pardonné au meurtrier à main et d'être parmi les gens élevés. يقول والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة النفس وتمرين لها. Et le sabr, comme tous les bons nobles caractères, ça demande un combat sur soi-même. Et ça demande de l'entraînement. Donc c'est pour ça que le hadith dit man tasabbar, celui qui s'efforce, c'est-à-dire qui fait un combat sur lui-même de patienter, alors la suite va venir que la patience Allah va lui accorder. D'accord? Celui qui combat son nefs pour pouvoir endurer et affronter, que Allah va lui donner la force justement de pouvoir aller de l'avant. يقول فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بما يؤديها qu'il a besoin de patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal afin de pouvoir justement rendre à Allah son droit. والصبر عن معصية الله حتى يتركها لله et de patience justement face à la désobéissance afin de pouvoir obéir. Ça va ensemble. والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. Également qu'il a, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il fasse preuve de patience sur ce que Allah aura décrété comme épreuve et comme chose douloureuse afin de ne pas s'en irriter et de tomber dans un dans des choses qui lui seront nuisibles par la suite. نعم. ويقول وبالصبر ينال الفلاح ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Et que justement cette patience, c'est par celle-là qu'on obtiendra la réussite dans la dunya et dans l'au-delà, dans le sens où Allah dit et que les anges rentreront chez eux de toutes portes, c'est-à-dire les gens du paradis, en leur disant salam alaykoum pour ce que vous avez enduré et quelle bonne demeure. Ça veut dire que par cette patience ils seront au paradis et que les anges les salueront et leur diront que ce paradis Allah vous l'a accordé pour la patience dont vous avez fait preuve en ce bas monde. وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا et que ceux-là hériteront des chambres, c'est-à-dire dans le paradis, pour ce qu'ils ont enduré et patienté. Malgré cela, يقول ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عقبته. Que malgré cela, le serviteur de demander à Allah Azza wa Jal d'être préservé justement des épreuves dont il ne connaît pas l'aboutissement. Ça veut dire que même si on sait que l'épreuve venant de l'amour d'Allah Azza wa Jal est une bonne chose, on ne doit pas non plus la demander. Car tu ne sais pas est-ce que tu vas pouvoir, vraiment pouvoir faire face ou pas. Tu ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Donc ne la demande pas. Mais si elle vient, alors fais face. Et demande à Allah de t'accorder la patience. Et c'est pour ça que vous allez voir souvent, c'est une chose qui arrive souvent, les gens nous interrogent, ça arrive souvent d'en recevoir des questions pour les mâchères, venant de gens qui subissent des épreuves douloureuses, qu'ils nous citent en détail. Et on expose leur cas aux ulama. Et eux, lorsque la personne n'a devant elle aucune alternative de cause concrète, ils appellent à quoi ? À patienter. Et à craindre Allah Azzawajal. Il n'y a pas autre chose à dire à quelqu'un. D'accord ? Mathalène, des gens sont célibataires, ils veulent se marier, mais ils ne trouvent pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les ulama vont dire patiente, Harry. C'est ce que Allah Azza wa Jal t'accorde cela. Tu ne peux rien faire d'autre. Des gens, ils n'ont pas d'argent, ils ont des dettes. Ils n'arrivent pas à se monter leurs dettes. Ils vont dire patiente. Et crains Allah. Et cela va venir. Que des gens, ils ont des problèmes personnels dans leur vie, familiaux, et qui n'ont pas les moyens de faire face et d'arranger en eux-mêmes ou sur autrui. Ils n'ont pas d'autre cause. Ils ont les mains liées. Les ulama vont dire patiente et crains Allah. D'accord ? Et faire les doigts. Et bien sûr, de faire les causes qui font que ces doigts soient exaucés. Souvent, on voit des choses en détail, une réponse précise sur un point précis, mais il n'y en a pas. Autre que la patience. Tu ne pourras pas faire accéder à ce que Allah Azzawajal a prédestiné. Et des fois, il n'y a rien devant toi si ce n'est que de patienter. Tu es malade, tu prends des médicaments, les médicaments ne font pas effet. Qu'est-ce qu'on va dire de faire ? On va dire patiente. Tu ne peux rien faire d'autre. Patiente et endure. D'accord ? Patiente et endure. Donc lorsque des gens ont ce genre de réponse, qui ne pensent pas que ce soit une réponse qui soit anodine, c'est une réponse qui est générale, qui englobe tout le bien. Il faut la cerner, il faut la comprendre. Et aussi, là j'aurais fait un tambih principalement pour en ce qui concerne la patience aux femmes. Non pas qu'on s'acharne sur elles, mais que beaucoup de hadiths sont venus par rapport à leur situation. Dans un hadith de Abdullah ibn Shiblin, radiallahu anhu, qu'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innal fusaq hum ahl al-nar. Qu'il a yé Rasulullah, wa man al-fusaq, qu'a al-nisa. Qu'a le rajulun, yé Rasulullah, al-lesna ummahatina, ou akhawatina, ou azwajana, qu'a bala walakinahunna, ize u'tina la yashkurna, وإذا ابتلينا لم يصبرنا. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les pervers, les foussards, sont eux les gens du feu. Et il fut dit, ô messager d'Allah, mais qui sont ces pervers? Il a dit, ce sont les femmes. Il a dit, ce sont les femmes. Et un homme a dit, mais ô messager d'Allah, ne sont-elles pas nos mères, ou nos sœurs, ou nos épouses? Il a dit, si. Cependant, lorsqu'elles reçoivent, elles ne remercient pas. Et lorsqu'elles sont éprouvées, elles ne patientent pas. Donc regardez bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté là-dessus. Que trop souvent, les femmes ne patientent pas dans l'épreuve. Et ce qui font qu'elles aggravent leur situation par le manque de patience. Donc c'est encore une chose pour elles, pour leur dire, lorsqu'une chose arrive, ne pas se précipiter, ne pas se mettre en colère, ne pas en vouloir à l'entourage ou autre, mais patienter. Si on a fait des fautes, on les répare. On demande pardon, toujours. Et si jamais on ne voit rien de particulier devant soi, on se dit, c'est une épreuve qu'Allah m'a écrite, donc je dois faire face et patienter. Quand tu n'as rien devant toi comme alternative concrète, patiente et fais le dua. D'accord ? Et quitte à ce que tu aies un mal devant toi auquel tu ne peux échapper, alors tu fais la règle de akal adararain. Tu fais ce qu'il y a de moins mal. Tu évites le pire. Tu minimises les dégâts. Tu ne peux pas éviter les dégâts, minimise-les. Fais ce que tu fais pour les minimiser. Mais lorsque les gens se mènent à se plaindre, à en vouloir à autrui, ou à accuser autrui, ou à supporter autrui ce qu'ils n'ont pas fait, ou en vouloir à des gens, ou faire des reproches à des proches, ou faire des... je ne sais quelle raison, cela est un manque de sabr. D'accord ? Comme cette femme qui pleurait auprès d'une tombe, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il lui a dit, « Ittaqila wasbiri ». Il lui a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit, « Crains Allah et patiente ». Elle a dit, « Ilayka anni fa innaka lam tusabbi musibati ». Elle a dit, sans savoir si c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui lui parlait, elle lui a dit, « Éloigne-toi de moi car tu n'as pas été atteint parce qu'il m'a touché ». Elle ne savait pas que c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui lui parlait. Et après, des gens lui ont dit. Elle a dit, et les gens lui ont dit, « Tu sais à qui tu as parlé là ? C'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Elle a dit, « Je ne savais pas ». Donc elle s'en est voulu. Elle sait très bien que c'est grave, c'est très très grave de dire ça au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas fait exprès. Elle s'est rendue auprès de lui pour lui dire, « Ô messager d'Allah, je ne savais pas que c'était toi. Sinon, je n'aurais pas dit cela. » Et il a dit, « Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Innama al-sabr, que la patience n'est que lors du premier choc. » Donc elle a eu une mauvaise réaction quand elle est exhortée de patienter et de craindre Allah, d'accord ? Elle a fait une forme de plainte qui fasse que la récompense des sobres, elle ne l'a pas obtenue. Le sobre, c'est lors du premier choc, pas une fois qu'on s'est calmé et qu'on reprend les esprits. Le sobre, c'est dès que les choses arrivent, c'est là que tu te contiens, tu te maintiens. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les femmes sont interdites de suivre les janazes lors de l'enterrement dans le cimetière ? Parce qu'elles ne patientent pas, elles crient, elles pleurent. Et autres. Dans beaucoup de situations, les choses ne leur sont pas accordées car elles ne font pas preuve de patience et de sang-froid. Donc c'est un rappel qu'on fait constamment aux femmes. Ce n'est pas on s'acharne sur elles, c'est des hadiths sont venus pour le dire, de la révélation. D'accord ? Qu'il faut être fort, ou plutôt on va dire forte, non. On doit tous être forts de base, mais surtout les femmes encore plus. D'accord ? Car ce qui leur a coûté le feu de l'enfer parmi les choses, l'ingratitude, d'accord, la multitude de plaintes et le manque de patience sur des épreuves. Et la croyante, biznillah ta'ala, doit être au-dessus de cela autant que possible. Et se rappeler des textes lorsque l'épreuve lui arrive. Tayyib. Et ça, c'était une nasiha générale par rapport à ça. Tous ont la mérite, mais là, on insistait par rapport aux femmes, par rapport à ces hadiths qui les ont spécifier elles plus que les autres, en leur disant que cela leur a coûté le feu de l'enfer, ce manque de patience. Non. Donc, retenez de ce hadith que le plus grand don qu'on puisse recevoir, c'est le sabr, la patience. Des fois, les gens leur disent patiente, ils pensent qu'on leur a rien dit du tout. On dit, si cette patience t'est accordée, voilà, tu as reçu le meilleur des dons, comme le prouve ce hadith. Non. « Suma qala fil hadith arabi wa salathin » 34e hadith. عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a dit qu'une charité, une aumône, ne réduira en rien des biens que tu possèdes. Et qu'il n'y a aucun serviteur qui ne pardonne faut que Allah Azzawajal l'élève en degré. Et quiconque se rabaisse et se rend modeste pour Allah, Allah l'élèvera. Apporté par Muslim. Yaqul هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع. Donc ce hadith comprend plusieurs points qui sont le mérite de faire charité, de faire l'aumône, de donner de ses biens, et également de savoir pardonner et de faire preuve d'humilité et de modestie pour Allah Azza wa Jal. يقول فإن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال منافة والعفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالظ وظن مخطئ. Car toute personne qui pense que faire aumône cela réduira de ses biens, ou que pardonner cela le rabaissera, ou que être modeste cela également le rabaissera, cela est une pensée qui est fausse et qui est mauvaise. يقول فالصدقة لا تنقص المال لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهة أخرى. Que la faire aumône de ses biens ne réduira en rien de leur quantité en réalité. Et que si même admettons que cela enlèverait une partie des biens d'un côté, cela lui rajoutera d'un autre côté, que la personne ne se rend pas compte forcément. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُبَارِكْ فِي الْمَالِ. Car la sadaqa, ça amène justement à la baraka dans les biens. وَتَدْفَعَنُهُ الْآفَاتِ وَتُمَنِّيهِ وَتَفْتَحَ لِلْمُتَصَدِّقِ مِنْ أَبْوَابِ الرِّزْقِ وَأَسْبَابِ الزِّيَادَةِ أُمُورًا مَا تَفْتَحُهُ عَلَى غَيْرِهِ. Justement, cette sadaqa est une cause également qui puisse éloigner bien des maux de ses biens. Les biens que la personne possède, en faisant aumône de ses biens, cela protège ses biens justement, elle ne s'en rend même pas compte. Et cela justement lui ouvre d'autres portes qui multiplient sa subsistance plus qu'à celui qui ne donne pas de ses biens. Celui qui fait aumône de ses biens aura encore plus de moyens d'obtenir du risque par la suite en une façon décuplée, plus que celui qui retient ses biens. فَهَلْ يُقَابِلْ ذَلِكَ النَّقْسِ بَعْدَ عَدِي السَّمَرَاتِ الْجَلِيلَ. فالصدقة لله التي في محلها لا تنفذ المال قطعة. Donc la sadaqa qui est faite, c'est-à-dire qui est faite proprement et à sa place, c'est-à-dire faite aux gens qui méritent, cela ne réduit en rien des biens de la personne. Comme le prouve ce hadith. Également cela est prouvé par l'expérience. D'accord ? Les gens qui ont fait des sadaqa se sont rendus compte qu'en réalité cela leur est revenu. Et des fois, ils ont fait sadaqa d'une somme, ils ont reçu le triple, le quadruple par la suite, mais l'on ne s'y attendait pas. C'est une chose qui est testée. Donc en réalité, en islam, donne pour recevoir, pour Allah Azza wa Jal. Donne pour recevoir, et non pas retient pour garder. Regardez bien. Les gens, beaucoup cherchent les investissements. Regardez les hommes d'affaires, par exemple. C'est quoi leur spécialité ? C'est de savoir faire fructifier leurs biens pour les augmenter. Ils savent prendre leur argent, le placer dans un placement quelconque, immobilier, commerce, communication, je ne sais quoi. Ils ont de l'argent. Cet argent-là, ils ne veulent pas qu'il parte. Mais cet argent-là, pour l'instant, il ne leur sert à rien, en fait. Ils ont une grosse somme d'argent, mais elle est là. Ils veulent la faire travailler, la faire fructifier. Donc, est-ce qu'ils font la place dans un investissement afin que cet argent serve à quelque chose, que le capital soit préservé et qu'en même temps, cela leur rapporte de l'argent. Et t'en as, en ce moment, dans la dunya, ils sont experts dans le domaine. Ils se font des sommes astronomiques avec un petit investissement. Mais ils sont des gens, on va dire, expérimentés, intelligents. Et ben toi, le croyant, c'est pareil. Ton argent que tu as là, tu l'as maintenant, là. Ça se trouve, il va partir dans des choses inutiles. Et ben toi, prends-en une partie, donne-la à quelqu'un qui en a besoin, plus que toi. Et ce don que tu as fait, c'est ton investissement, il va te revenir en décuplé par la suite. Ça se trouve, cet argent-là, tu l'as dépensé dans une chose qui ne sert à rien du tout, une futilité, un loisir. Alors que là, tu l'as donné à quelqu'un, tu as pris de la récompense, tu as mis la joie dans cette personne-là, dans le besoin, d'accord ? Tu lui as été utile, cette personne fait les doigts pour toi, et ensuite, Allah Zawajel, cet argent-là, il te le rend. D'un moment, peut-être même, tu seras dans le besoin, cet argent-là, il te revient en décuplé. Vous voyez un peu les bienfaits qu'il y a en cela. Mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Il y avait un homme qui avait un jardin, il lui était dit, et ce jardin, il était constamment arrosé, constamment, profitable. Les gens disaient, comment tu fais ? Il dit, je donne un tiers de ses biens, je le réinvestis dans mon jardin. Il y a un tiers, je le donne pour la dépense pour ma famille, et un tiers, je le donne en aumône. Et bien, pour ce geste qu'il a fait, son, on va dire son champ, quand je dis jardin, c'est un champ, était constamment fructueux. Tout le temps. Même dans les moments où il y a eu la sécheresse ou quoi, son jardin était tout le temps fructueux. Subhanallah. Et cela par quoi? Par cette sadaqa qu'il faisait. Non. Ensuite, il dit وَمَّ الْعَفُوْ عَنْ جَنَيَةِ الْمُسِيِّينَ بِأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ فَلَيَتَوَهَمْ مِنْهُ الذُّلْ بَلْ هَذَا عَنِ الْعِزْ فَإِنَ الْعِزْ وَالْعِرْفْ عِنْدَ اللَّهُ وَعِنْدَ خَلْقِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى كَهْرِ الْخُصُومِ وَالْأَعْدَاءِ. Maintenant, la deuxième partie qui est le fait de savoir pardonner. Pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Et qui te demandent pardon en plus. Ne crois pas que cela est un rabaissement de dire je te pardonne. Au contraire, cela va t'élever. Et te rendre encore plus fort, encore plus noble. Et cela auprès d'Allah Azzawajal et même auprès des gens. D'accord? Car les gens voient bien que celui qui est indulgent et qui est clément, les gens, ils l'aiment. Quelqu'un t'a fait du mal. Plutôt que de te venger, il vient, tu lui demandes pardon et tu lui pardonnes. Il va te voir encore plus haut que si jamais tu lui avais rendu le mal qu'il t'a fait. Non. Et Cheikh Islam, il y a une parole où il dit que il n'y a pas une personne qui a été lésée, puis se soit vengée du mal qu'elle a subi pour elle-même, sans qu'elle ne soit tombée dans la justice par la suite. Elle s'est vengée d'un point de vue personnel, sans que cela ne l'ait fait tomber dans la justice. Alors que si elle avait pardonné, eh ben cela aurait été plus meilleur pour elle et plus honorable et plus bénéfique dans le bas monde, dans l'au-delà. Donc attention à l'esprit de vengeance. Oui, t'es lésé, mais souvent quand tu te venges pour toi, eh ben tu tombes dans la justice par la suite. Et ça on l'a souvent vu. Les gens à la base ils ont raison, mais en se vengeant, eh ben ils en font trop et ils tombent dans l'erreur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais pour lui-même, mais juste lorsque les lois d'Allah azawajel étaient dépassées, comme l'a dit Aïcha, étaient outrepassées, on va dire. Non. Donc, cette clémence est une vertu qui élève la personne. Maintenant, il y a un tafsil. Il y a des gens, est-ce qu'ils méritent qu'on leur pardonne ou pas? Cheikh Al-Faymin, il explique que les gens qui sont des récidivistes, qui font du mal volontairement, d'accord, et à outrance, eux, on ne leur pardonne pas. Dans le sens où on leur fait appliquer les sentences qu'ils doivent mériter. Quant à celui qui a fait une erreur ou qui a eu un moment de faiblesse et qui regrette concrètement et qui demande pardon, jamais tu le refuses. Comment ton frère ou ta sœur t'a lésé, après vient vers toi, d'accord, et te demande pardon, et toi tu le rejettes, tu lui dis je te pardonnerai jamais. Et là, subhanallah. Ça, c'est une chose qui, religieusement, est vraiment blâmable. Non. Et il dit justement que Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu la science en degré. Surat al-Mujadala. L'entretien verset 11. Famine ajal samarat al-ilm wal iman atawadu. Donc il dit maintenant par rapport à la modestie, le fait d'être humble pour Allah Azzawajal, parmi les plus grandes causes qui amènent à être humble, c'est le ilm. C'est le ilm. Plus une personne normalement aura du ilm, plus elle sera modeste. C'est parmi les fruits du ilm pour celui qui est sincère. Car il se rappelle constamment d'Allah Azzawajal, de sa grandeur. Donc comment pourrait-il se mettre à mépriser les gens et à refuser la vérité, à être orgueilleux? Comment pourrait-il? Car il sait ce qu'il en coûte. Il sait ce qu'il encourt à faire cela, car il a du ilm. Donc forcément, cela va le contraindre à devenir modeste et à devenir humble avec les gens. Et il fatambih l'auteur en disant « وَمَا تَوَادَ أَحَدٌ لِلَّهِ » dans le hadith, que personne ne s'est, on va dire, humilié et rabaissé, si c'est le terme approprié, on va dire, s'est rendu modeste pour Allah sans que Allah ne l'élève. C'est quoi la cause? C'est pour Allah. Car il dit, il y a des gens, ils se font modestes mensongèrement, hypocritement. Il faut passer pour des gens modestes alors qu'ils ne le sont pas. Soit par réputation, pour obtenir l'amour des gens, pour obtenir un bien quelconque ou quoi. Eux, ils ne rentrent pas dans le hadith. Le hadith concerne quelqu'un qui fait cela avec sincérité. Il est modeste pour Allah Azzawajal. D'accord ? C'est de là qu'il verra les fruits de cette modestie que Allah l'élèvera. D'accord ? Ça, c'est une chose qui est importante. L'ikhlas, même dans la sadaqa, qu'on a cité tout à l'heure en début de hadith, la sadaqa, elle l'a fait pour Allah Azzawajal. Également, qui pardonne aux gens qui lui ont lésé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le tout, l'ikhlas, c'est une condition, comme vous le savez, de l'acceptation de l'acte. Donc, faut être sincère. D'accord ? Faut être sincère quand on fait cela. Mais la fausse modestie, elle sert à rien. Tu verras souvent des gens te dire, moi, j'accepte la vérité, moi, ceci, cela, moi, mais tu vois, quand tu es au pied du mur, tu vois un autre visage de lui. Combien de gens on les a entendu dire, moi, si la vérité est bien, j'accepte, si elle est dalil, j'accepte, kaza. Et le jour où les hadiles sont venus, ils n'ont pas accepté. On dit, toi, tu étais un menteur. Tu n'es pas une personne modeste, en réalité. Tu te fais passer pour un modeste, pour être aimé, ou te fais passer pour qui tu n'es pas, mais Allah Azzawajal va éprouver ta modestie. Ce que tu dis, Allah va t'éprouver. Kama ta'lamun, qala Allah Azzawajal, alif lam mim, hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum yuftanun. Que les gens pensent-ils que Allah va laisser dire, nous croyons sans être éprouvés? Ce que tu dis, Allah va te mettre à l'épreuve, obligatoirement. Ta vie restée sera mise à l'épreuve. Toujours. Donc toujours faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on s'expose devant les gens, en nous-mêmes. Taï. Donc voici les deux hadiths qu'on a pris aujourd'hui. Je m'excuse pour les deux coupures qu'il y a eu au début, mais finalement, alhamdoulilah, c'est bien passé. Donc demain sera le ders de 200 questions-réponses, et dimanche, inshallah, la muhadara, la conférence. Tant même. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.